Book 2 26 26 26 في الطبيعة Dans la nature Dans la nature أترى ذلك البرج؟ Vois-tu la tour Vois-tu la tour أترى ذلك الجبل؟ Vois-tu la montagne؟ Vois-tu la montagne؟ أترى تلك القرية؟ Vois-tu le village؟ Vois-tu le village؟ أترى ذلك النهر؟ Vois-tu la rivière؟ Vois-tu la rivière؟ أترى ذلك الجسر؟ Vois-tu le pont؟ Vois-tu le pont؟ أترى تلك البحيرة؟ Vois-tu le lac؟ Vois-tu le lac؟ يعجبني ذلك العصفور. Cet oiseau me plaît. Cet oiseau me plaît. تعجبني تلك الشجرة. Cet arbre me plaît. Cet arbre me plaît. تعجبني هذه الصخرة. Cette pierre me plaît. Cette pierre me plaît. يعجبني ذلك المنتزه. Ce parc me plaît. Ce parc me plaît. تعجبني تلك الحديقة. Ce jardin me plaît. Ce jardin me plaît. تعجبني هذه الزهرة. Cette fleur me plaît. Cette fleur me plaît. أنا أرى أن هذا جميلا. Je trouve ça joli. Je trouve ça joli. أنا أرى أن هذا ممتعا. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. أنا أرى أن هذا رائعا. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. أنا أرى أن هذا قبيحا. Je trouve ça laid. Je trouve ça laid. أنا أجد أن هذا مملا. Je trouve ça ennuyeux. Je trouve ça ennuyeux. أنا أرى أن هذا فظيعا. Je trouve ça affreux. Je trouve ça affreux.